Vous vous trouvez dans le hall d'accueil du musée Zuma Lakaraji. Devant vous, vous pouvez voir le module qui présente la maquette tactile en 3D reproduisant le viaduc d'Ormestoji, situé à 600 mètres du musée. Ce projet, qui est une initiative du musée Zuma Lakaraji, a été réalisé par les élèves de l'école Guerrier Scola d'Ordizia, avec la collaboration de la municipalité d'Ormestoji et les conseils de l'association Begiri, association de Guipouzcoa, pour la promotion de l'inclusion de personnes malvoyantes ou aveugles, sous le parrainage de l'entreprise Irizar Sociedad Cooperativa. Dans ce module supporté par une table de 300 cm sur 40, nous présentons la maquette du viaduc, avec deux panneaux d'information aux extrémités et trois bacs extractibles sous le socle. La maquette, réalisée dans un seul matériau, le plastique, à une échelle 1/100, a une longueur de 289 cm, 8 cm de profondeur et 34 cm de hauteur dans sa partie centrale, dont 26 cm correspondent à la hauteur des piliers et 8 à la poutre en treillis. Celle-ci se compose d'une structure de 10 sections dont les parois sont réalisées en treillis et sur laquelle sont situées les voies du train. Des deux côtés de cette structure, on distingue 4 poteaux qui supportaient les câbles électriques aériens qui alimentaient les locomotives en énergie. La structure s'appuie sur 4 piliers massifs et 5 piliers plus légers. L'ensemble est de couleur grise. La maquette se complète de deux éléments qui donnent une idée de la proportion et de la taille du viaduc vis-à-vis de l'environnement, le profil du terrain où il s'assoit, la vallée de la rivière Etanda qui l'accueille et la silhouette qui correspond au terme d'Ormestoji aujourd'hui disparu, à leur emplacement original. Réalisé en plastique, mais cette fois de couleur blanche. Panneau d'information. Sur cette première plaque, située à l'extrême droite du socle, se trouve le titre de la maquette dans 4 langues, basque, espagnol, français et anglais, ainsi qu'en braille. À sa droite, 4 QR d'audio-description dans les langues correspondantes, et à sa gauche, l'information sur l'histoire du viaduc, avec le titre imprimé dans les 4 langues, en braille et les QR d'audio correspondants. Sur la seconde plaque, situés à l'extrême gauche du socle de la maquette, sont imprimés les noms des institutions déjà mentionnées qui ont collaboré au projet, représentés par leurs logos respectifs. Dans la partie inférieure du support se trouvent 3 bacs extractibles. Dans le bac de droite a été disposé le texte de présentation du projet et le contenu historique du monument en braille, également imprimé en micro-caractères. Dans le bac central se trouve la description du viaduc adaptée en lecture facile et dans le bac de gauche, se trouvent 3 reproductions 3D des profils en forme de L, T et H, utilisés dans la construction de la structure métallique du viaduc, ainsi que 2 éléments présentant le mécanisme d'union de ces profils au moyen de rivets.